cacahuète me fait la tête. Cacahuète, cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Canoë. La micao, ma micao. Cacao. La petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Caliban. Mamselle, son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète. Mamselle Jibi me traite d'abruti. Cajibi. L'ami Ouchou me jette des cailloux. Cajou. Mamselle Binet, c'est de Binet. Cabinet. Oh. Le petit Mambert me jette des pierres. C'est la marre de moi en amarre. Bonjour à tous, on est dans une nouvelle émission Radio Guémozo. Oui, nous sommes à Radio Guémozo, Camille, mais le titre de l'émission, c'est quoi? Les ados. Voilà, bien, donc... merci Camille. Tout le monde va bien? Oui. Oui. Oui. Oui. En forme. Donc, la chanson mystère de la semaine dernière, c'était qui? Steven. Hein? C'était Steven qui chantait. Ah non! Ouais, bravo, hein, quelle prestation, Steven. Désolé. Choisi, Steven. Oh, désolé. Oublie, oublie. Désolé. T'avais dit, toi. C'est Pink Floyd. Pink Floyd. Oui, et qui c'est qui a appelé? Nicolas. Nicolas. Corrie. Oui, alors est-ce que déjà tout le monde a dit bonjour, là? Non. Oui. Oui, ah bah j'ai pas entendu. Tu as dit bonjour aux auditeurs? Oui, bonjour. Et Zinedine? Au revoir. Au revoir, toi. Non. Ah bon, bonjour. Bonjour, c'est toujours à la règle. Voilà, et en technique, nous avons qui? Christophe. Oui, tu es avec qui? Marion. Ben, bonjour à Marion. Bonjour, Marion. Bonjour, Marion. Au revoir, Marion. Et qui c'est qui est à côté de Camille? Juliana. Voilà, et bien on espère que tout le monde va bien. Et puis pour débuter cette... Corinne. Excusez-moi. Le manos. Cette nouvelle émission, nous allons passer la nouvelle chanson mystère qui a été choisie par Camille. Allez, on écoute. Et tout le monde au téléphone au 03 29 40 62 40 40. Et voilà, c'est parti. Tu vas là? Pêche. Oh, c'était la chanson mystère. Donc, elle doit être difficile. Alors, Corinne. Donc, eh ben, écoutez, on va poursuivre l'émission avec les sujets dont on a parlé. Quel jour ? Vendredi. Voilà. Alors, quels étaient ces sujets-là ? Les gilets jaunes. Il y a eu les gilets jaunes. Bah, bien sûr, c'est d'actualité. J'ai un truc. Oui. La France, hier, ils ont joué contre l'Uruguay. Ils ont gagné un point. Dégagnez-moi. Attends, on parlera du foot, ok ? On parlera de quoi encore ? Ça. J'en appelle à vos mémoires respectives. Du vote. Vente. Ah oui, vente. Christopher, de quoi on doit parler aussi ? Vent. De quoi ? Comment ? De quoi on doit parler ce matin ? Du feu. Vent. Gilets jaunes. Bien, du feu. Du feu, oui. Du feu. Où ? À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Non. Ah si, il y a eu un feu à Saint-Étienne. Ah oui, mais oui, ça c'est dans le cadre des gilets jaunes. À Californie ? Mais où ? Oui, en Californie, bien. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Coincé, ça c'est les gilets jaunes aussi. Christopher, de quoi tu nous avais parlé aussi ? Ah, de... comment il s'appelle là ? Macron ? Macron. Monsieur Macron, c'est mieux. Ouais, monsieur Macron. Avec respect. Le président Macron. Ouais. Voilà. C'est plus Corinne. C'est par ton nom de famille, tiens... Bon. Monsieur. Monsieur, madame, mademoiselle. Monsieur. Bon, allez, Christopher, vas-y. C'est plus. Tu sais plus. Tu venais. Monsieur. Venais directement. Oui, mais alors le monsieur là, vas-y, aide-nous. Qu'est-ce qu'il a fait ou. Il a trafiqué de l'argent. Deux azons. Il a trafiqué de l'argent. Non, il a oublié de déclarer. Zinedine, j'aimerais que tu écoutes. Il a oublié de déclarer l'argent. Il a oublié. Aux impôts. Ah, il a oublié. Bah, ça arrive, ça. Hein? Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Christopher, tu nous avais parlé d'autre chose aussi. Hein. Mais de quoi d'autre ? Bon, bah je lancerai le sujet et puis on verra. Hein. Ouais. Il y a aussi Steven qui nous avait parlé des commémorations du 11 novembre. Tu te rappelles ? De quoi ? De ce que tu avais vu à la télévision. Rappelle-toi, alors ça va te revenir. Hein. Et puis aussi, que qui c'est qui avait parlé de ça ? Que les Chinois avaient perdu un gros marché. Toi, marché. Il y a moi et il y a Christopher. On était deux, donc tu nous en parleras aussi. Eh bien, allez, on va tout de suite commencer par. Premier sujet. Gilets jaunes. Allez. Alors chacun à votre tour et on s'écoute, vous dites ce que vous avez à dire par rapport aux gilets jaunes. C'est vrai que ça fait quelques jours que ça dure. Hein. Bon, alors, et puis je t'assure que Marion, quand on a préparé l'émission, si je les avais écoutés, il n'y avait que ça. Le reste, ça n'existait pas, il n'y avait plus. Il n'y avait plus rien qui se passait dans le monde, il n'y avait que ça. En même temps, on n'entend parler que de ça depuis samedi. Donc. Voilà. Donc, alors, Juliana, on va te laisser... Ils sont gentils, les gilets jaunes. Ils sont gentils. Mm. Tu laisses le casque, merci. Ah oui, parce que... Pose-le. Parce que quand ils t'empêchent de passer, ils donnent une rose. Ah, c'est au syndicat, ça. Voilà, hier, quand on est revenu du collège, c'est vrai que quand on est passé, ils nous ont donné une rose. Mm. Hein. Mm. Mais bon, c'est pas partout comme ça. Mais c'est bien qu'est-ce qu'ils font hein, comme ça. C'est bien qu'est-ce qu'ils font. Je de donner les roses ou le mouvement. Le mouvement. Le mouvement. Et je suis fière d'eux. Fière d'eux. Et toi, Steven. De donner les roses. Toi, tu es fière parce qu'ils donnent des roses. Oui. Ok. Et toi, Camille, tu peux t'approcher du micro et donner ton avis. Ah bah c'est le but aussi, vous donniez votre avis. Qu'est-ce que tu penses, toi, des gilets jaunes? Apparemment, ça te passe au-dessus, là. Vu la tête que tu fais. Hein ? Des peines d'attente. Tu n'en penses rien ? Non. Non, rien du tout. Et Timothée, qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Oui, quoi ? Ils sont gentils. Ils sont gentils. Et Zinedine ? Ah, Zinedine réfléchit. Hein. Qu'est-ce que tu penses des gilets jaunes, Zinedine? Oui, quoi? Ah, vas-y. Oui, la mesure sont... Oui, les méchants sont... Ils sont méchants? Mmh. Ah, ils sont... excusez-moi, je parle en voile. Ils sont méchants. Oui, t'es coincé. Ah, ils sont méchants parce que Zinedine s'est retrouvée coincée. Chacun donne son avis. Donc toi, tu n'étais pas content d'être coincé? Non. Est-ce que tu as été coincé longtemps? Ouais. Oui. Oui. Oui. Accroche-toi du micro, Zinedine. Oui. Oui. Donc c'est pour ça, toi tu n'es pas content. Voilà, c'est pas amusant moi. Mais est-ce que les gilets jaunes ils t'ont fait du mal? Mais... Est-ce que tu dis ils sont méchants? Alors, c'est pour ça. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Non. Non, ils t'ont fait attendre, c'est tout. On parle dans le micro, Zinedine. Tu as dû attendre. Oui. C'est dur d'attendre. Même d'ordinaire, c'est dur d'attendre. Alors, voilà, tu es dans la maison. Ouais. Oui. Il y a des bouchons et tout, alors c'est sûr qu'il faut attendre longtemps. Ah oui, il y a des endroits, il faut attendre longtemps, oui. Oui. Il y a même des camions qui... Il y a même hier des camions qui ont klaxonné quand nous, on était bloqués. Oui. Bip, bip, bip. Alors, à ton avis, est-ce qu'ils klaxonnaient... c'est ceux qui passaient à côté ouais, de nous. En fait, ils se klaxonnaient parce que nous, on était bloqués, mais pas eux. Ah, tu penses qu'ils étaient contents qu'on soit bloqués? Oui, non, parce non, que oui, comme ça, pour manifester. Oui, ça pouvait être aussi en solidarité. Ah, parce que vous n'avez pas l'air de faire la tête quand même, ils rigolaient. Hein, Et Christopher, qu'est-ce que tu en penses? Alors, dans mon courage. Je pense que c'est bien, mais un peu énervant. Ah. De rester coincé. C'est bien d'être coincé. Alors Christopher, est-ce que tu t'es retrouvé coincé, toi? Non. Non. Ah oui, donc tu compatis pour les personnes qui ont été coincées. Oui. Oui, voilà. Les pauvres, une heure à coincer, attendre. Oui. Alors après, je vous avais posé la question quand même, parce que c'est bien de donner son avis, mais il faut aussi savoir pourquoi ils font ça. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Juliana, commence. Pour baisser le prix de l'essence. Ils veulent que le prix de l'essence soit baissé. Camille, est-ce que tu as une idée? Non. Ah, non du tout. Et les gilets jaunes, ils ont parfaitement à leur sujet, parce que le prix, ils sont montés. Le prix est monté. Mais à cause des gilets jaunes, ils sont descendus. Ah, il va. Le prix a baissé. J'ai compris. C'est ça que tu dis? Regarde. Oui. Regarde. Il manifeste, c'est pour dire, c'est pour que l'essence il baisse. Oui. Il baisse. Si on ne s'y manifeste pas, le prix ne peut pas. Il montera encore plus, il ne pourra pas baisser. Alors, Timothée, tu dis que l'essence a baissé. C'est ça? Oui. Quelques centimes? Oui. Christopher, pourquoi il manifeste? À cause de l'essence, que c'est trop cher. Il n'y a que l'essence? Non, c'est les taxes de l'essence. Donc les taxes en général? Oui. Un peu ça? Ouais, un peu ça, les cigarettes aussi. Oui, bon, c'est pas forcément nécessaire. Voilà, ça, mais... là, lui, il a compris. Lui, il a compris. Ah, oui. Alors, Christopher, apparemment, t'as tout compris. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux autres? Aussi pour les cigares, ça coûte trop cher aussi, les cigarettes. Est-ce qu'ils avaient monté les prix des cigarettes? T'as vu, ça coûte ça maintenant, les cigarettes. C'est qu'on pas le pouvoir d'achat aussi? Oui, le pouvoir d'achat aussi. Mais Zinedine, pourquoi les gilets jaunes sont bloqués? À ton avis, pourquoi? Parce que c'était toi? Non. Ah non? Alors pourquoi? C'est ça? Dans un an. Ah oui, dans un an. De quoi, un avion? Il faut que tu parles dans le micro, sinon tout le monde n'entend pas. Ben oui, c'est deux avions. Ouais. Des avions? Près de la maison? Oui, des chiens, des tons. Tatons? J'ai pas tout compris, Zéline. Ouais, Oui. Je crois que je fais. Bah, vous aviez plus de choses à dire vendredi, là, vous êtes un peu... Ah oui, bon, vous êtes peut-être refroidis parce que ça fait déjà des chiens, moi. J'ai deux oiseaux et des chiens. Quoi? Tu parles des chiens? Non, deux oiseaux. Des oiseaux? Oui. Je sais. Oui. Hier, on avait un âne. Non. Oui. Au gros point, il y avait un âne. Oui. Pourquoi? C'est rigolo. Pourquoi? Non. Bon, l'âne n'avait pas un gilet jaune. Hein. Si. Il est manifeste, l'âne. Bon, il devait être avec quelqu'un. Et Corinne? Oui. Il avait un âne. L'âne, il avait un gilet jaune, l'âne. Oh, moi, j'ai pas vu de gilet jaune. Hein. Si, il avait un. Ah, bon, on n'a pas vu le même, alors. Hein. Au syndicat? Si, Corinne, il y en avait. Il y en avait un, le gilet jaune. Il y en avait un avec le gilet jaune et l'autre, donc il y en avait plusieurs. Gomme pas. Celui que j'ai vu. C'est bien. Non, Corinne. Oui, c'est non. Vous devez aller vite au médecin, Corinne. Pour que j'aille vite au médecin? Ah oui. Pourquoi? Pour tu le vois pas d'âne, c'est un peu bizarre. Oh, oui. Ouais, entre le rhume et puis la vue, ça craint, hein. C'est ça que tu dis? Ah, oui. Ah, Corinne, j'ai combien, là? Alors, ensuite, les gilets jaunes, c'est bon? Oui. Oui. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Oui. Oui, pourquoi? Jusqu'à samedi. Oh, parce qu'ils ont encore pas voulu, ils ont pas encore ce qu'ils voulaient. Ils ont pas encore ce qu'ils voulaient. Non. Et Corinne? Est-ce que vous pensez qu'ils l'auront? Peut-être oui, peut-être pas. Qui c'est qui décide? Le président. Monsieur Macron. Tu sais, et premier ministre. Et ils dorment où les gilets jaunes? À un syndicat. Ils rentrent chez eux, soit. Ouais, mais il y en a qui dorment là, hein. Enfin, qui restent sur place, quoi. Pourquoi? Toute la nuit. Ah oui. Oh, ok. Sans interruption. Et ils laissent leur bazar au milieu. Quel bazar? Au bord de la route. Ah bah, il faut un petit peu de feu, c'est pour se réchauffer. Mais ils dorment où? Ils dorment dans une voiture? Bah oui, je pense qu'ils se relaient, hein. Sont courageux. Ils se lavent pas, alors. Faut être courageux pour rester dans la nuit. Ils se lavent pas. Ah ben ça, c'est un souci. Alors, est-ce qu'ils se lavent? Ah. Est-ce que vous croyez qu'il y a une douche près du rond-point pour aller se laver? Non. On va aller se laver, c'est les autres. Quand ils rentrent chez eux, ils se lavent. Hein? Mais non, elle a pas de douche au rond-point. Mais non. Ils sont tous. On va pas qu'il y a une douche au rond-point. On disait à l'instant qu'ils faisaient des relais. Ah. Donc, quand ils rentrent chez eux. Quand ils rentrent chez eux, ils se lavent. Bah oui. C'est qui Nalo? Et Corinne? C'est qui? Je sais pas, ça va durer jusqu'à Noël. Ah, tu crois que ça pourrait durer jusqu'à Noël? Peut-être. C'est qui? Ça fait un peu long quand même, hein. Hein, Noël, ça fait encore un mois, là. Hein? Un mois de grève. Ah ouais. C'est qui? Bon, les gilets jaunes, c'est bon? Oui. Et bon, on va passer à la première chanson, Marion. Corinne. C'est possible. La chanson choisie par... Zinedine. Tu Mais c'était moi, non? Ah. Non, c'est Zinedine. Moi, sur Internet. Nothing ever your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, hey. It ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? Tap, tap, a little souvenir. Hey. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey, woo! Don't be afraid to catch feels. Ride your cup and chase thrills. I know you ain't afraid of pop pills. Hey. Baby, I know you ain't scared to catch feels. Feels with me. Goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. Voilà, Zinedine, tu peux voilà poser ton casque, Timothée aussi. Et c'était ta chanson qui vient de passer. Oui. Ouais, tu es content? Oui. Ouais. Alors, deuxième sujet. Qui va commencer? C'est quoi? Eh bon, on va parler du foot. Allez, les résultats du foot. Qui maîtrise les résultats du foot? Moi. Juliana va commencer, après sera la semaine prochaine, t'avais... Non, mais attends, c'était peut-être avant. Si, là, avant. Non, mais, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la France contre les Pays-Bas, et c'est le Pays-Bas qui a gagné. Oui, c'est vrai. Oui, t'es gagné. Vous étiez déçus, hein? Oui. Ah, oui. C'est elle a gagné. Et puis hier, t'avais... Est-ce que tu connais le score, Juliana? Ah non, je sais plus. Ce quand? C'est dans... Oh, madame Marion, elle est au fait. 2-0. Non, 2-0. 2-0. 0 pour la France, c'est ça? Ah bah oui. Et 2 pour le Pays-Bas. 2 points, oui. Et hier, t'avais la deux France points. Contre l'Uruguay. La France 1 et le Uruguay 0. 15-0. Bon, puis c'est qui a gagné hier? La France. Voilà. Et le prochain match, c'est... Normalement, je crois, c'est le Pays-Bas contre le Portugal. Ouais. Ça, si? Ça, mon ami, tu parles de la Ligue des Nations, mais c'est pas maintenant, parce qu'il n'y a plus de match avant la fin de l'année, là, c'est fini. Ah, oh. Mais si, hein. Bah, non, Marion, je sais qu'elle est au courant, hein, côté foot. À moins que j'ai zappé, parce que Pays-Bas-Portugal, voilà, mais normalement, il n'y a plus beaucoup de matchs d'ici la fin de l'année, là. Pour l'équipe de France, c'était le dernier hier soir. Ouais. Alors, qui c'est qui t'a dit ça, Juliana? Qu'en fait, tu vois, quand l'Allemagne est le... Et le Pays-Bas, ils ont joué. Normalement, si l'Allemagne gagnait, le Pays-Bas, la France aussi. Normalement, c'est le copain de ma sœur qui m'a dit ça. Oui, si l'Allemagne avait gagné lundi soir contre les Pays-Bas, la France était qualifiée en voilà, nation. Mais ils ont perdu l'Allemagne. Et quand il y a eu match nul, bah, c'est le Pays-Bas. Bah, voilà. Mais merci pour les infos. Et hein. Je l'ai mis, hein. Tu avais un commentaire, toi, sur les matchs de foot? Oui. Je l'ai mis, hein. Moi, deux. Oui, tu enlèves déjà la main devant ta bouche, voilà. Oui, toi, j'ai gagné. Dans le micro. Ouais, c'est qui? Est-ce que tu as regardé le foot, Zinedine? Ouais. Oui. Et alors? Oui, c'est qui, les fans? Qui c'est qui a gagné? Ah, oui, c'est qui. C'est toi, j'ai gagné. Quand c'est de gagner. 3 buts. What? Non, là, on n'a pas entendu 3 buts. Hein. Non. Oh, oui, non. Tu en as peut-être rêvé quelques-uns, là. Des dents, moi. Des dents, des gars. C'était 1-0, là, le dernier match. C'est 1. Non. Dents. Alors, 1, ça fait ça. Ça fait pas 2 doigts. 1, ça fait 1 doigt. Mais tu vois, donner 2 points d'un 1. 1 point, voilà. Oui. Ouais, des gars, c'est 6 points. Le gars. Oui, oui, comme tu dis. Ouais, bon. Ah ouais, tiens, c'est bon pour le foot ? Oui. Oui, Timothée. Moi aussi, j'ai vu le foot. Ah, tu as regardé le foot ? Pas moi. Oui. Le match Uruguay-France ? Oui. Oui. Donc, tu confirmes le score ? Oui. Qui était de ? 2-0. Voilà. Mbappé, il s'est fait mal là. Oh, oh oui, moi le pauvre. Eh, j'ai moi des gars les papés. Tu sais c'est qui? Des gars les papés, moi. Je connais Mbappé. Tu sais c'est qui qui a mis le but de France hier? Voilà, Giroud. C'est Giroud. Et j'ai les gars les culés. Les gars les papés. Ouais, nous avons des fans de foot. Ah ouais. Les gars les papés, moi les gars les sang, moi. Oui, tu as regardé Mbappé. Oui. Gars les culés, moi. Pas vu le foot, j'avais pas eu le temps. Gars les culés. Pas eu le temps, ok. Moi, quand je regarde le foot, quand ma petite nièce veut jouer avec moi, maman elle dit non, laisse-la vu qu'elle regarde le foot. J'adore le foot. Et puis c'est fou. Bon, bah voilà pour le foot. Hein. C'est cool le foot. Zinedine, attends, on passe à l'info suivante. Ah, alors Juliana, elle a une petite info. Vas-y. Faut que tu parles devant le micro, Juliana. Vas-y. Les votes. Voilà, en ce moment, enfin à partir. D'aujourd'hui, il y a des élections du, ah, du CVS. Oui. Hein, pour le CVS. Donc ça se passe où ? À Lille. Voilà. Donc vous allez voter quand, vous ? Demain. Demain, voilà. Donc, il y a des personnes qui se sont présentées. Est-ce que tu peux nous dire qui, Juliana ? Voilà. Représentant des familles. Nathalie. La maman de Teddy, voilà, oui. On va dire ça. Hein. Et Axel. Voilà, pour les âgés, qui c'est qui se présente? Axel. Et moi. Et Juliana. Donc ça veut dire demain, vous allez être appelés à aller aux urnes à l'IME pour voter. Pourquoi pour voter? Ben voter pour Juliana ou Axel. Parce et ça que, parce que, pourquoi? Juliana, est-ce que tu peux expliquer? Si toi... Marcel, vous êtes élu. Qu'est-ce que vous allez faire après? Ben en fait, on va quand les gens diront, eh ben nous on va essayer de faire à la place des autres. Voilà, vous êtes vous irez donc au conseil de vie sociale et vous serez là pour représenter vos copains et copines de l'IME. Moi, Camille. Et vous irez pour dire quoi? Ben ce qu'il veut. Voilà, ce que les jeunes aimeraient avoir, ou si ils ont des infos particulières. Oui, des cravates. Ah, c'est bien. Hein, d'accord. Ce sera votre rôle, ça. Oui, des cravates. Tu crois que... Du garçon, des cravates. C'est du travail. Tu dis que c'est du travail, toi, le CVS. Je voterai Juliana. De toute façon, vous aurez quelqu'un pour vous aider. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, demain, tout le monde aux urnes. On va tous voter ? Bah oui, pour les jeunes. Je crois que c'était que les parents. Hein ? Non, mais là, c'est pour les élections des jeunes. Ah. Voilà. Entre Juliana et Axel. Même ouais, les adultes, ils vont voter ? Comment ? Même les adultes ? Non. Ben non, c'est vous. Moi ? Oh non. C'est bon pour le CBS ? C'est quoi ? C'est quoi ? Zinedine, je viens de le dire. C'est le conseil de vie sociale. Quoi dit? Qui est le veto? C'est qui? C'est quoi? Tu peux parler dans le micro, Zinedine. C'est quoi veto? C'est quoi? Le conseil de vie sociale. Ouais. Alors, ça se passe à l'IME et au conseil de vie sociale. Donc, en général, il y a la direction, il y a un représentant de l'association, il y a un représentant des familles, représentant des usagers, et en général, il y a un administrateur. Il y a un éducateur pour accompagner les représentants des usagers. Et on parle de tout ce qui est institution. Tout ce qui se passe dans l'institution. Oui. Mais alors, quand il y aura eu les élections, à la rigueur, on en reparlera, déjà pour savoir qui a été élu. Hein, et puis Zinedine, si tu veux un petit peu plus d'infos, on en reparlera. Avant. D'accord. Mmh. Oui. Mmh. Ok. C'est bon pour le conseil de vie sociale. Mmh. L'info suivante. Oui. Et sinon, on a perdu un gros marché. Ah, alors. Zinedine, tu poses le casque. Mmh. Les Chinois ont perdu un gros marché. C'est-à-dire. À des États-Unis. Oui. Et sinon, ils font des jouets pour l'Amérique. Bon, les Chinois, ils font beaucoup de choses, hein. Les jouets, les ordi. Regarde les bébés. Les bébés. Ouais. Non, ils font pas des bébés pour les Américains. Hein. Donc, Christopher continue. Les Américains, mais plus des jouets des Chinois. Et les Chinois ont perdu un gros marché. Voilà, les Chinois ont perdu un gros marché. Donc, l'exportation est en berne chez les Chinois. Oui. Ils sont très inquiets parce que les Américains, c'est un gros marché. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Chercher des nouveaux pays pour les jouer ? Ils cherchent des nouveaux pays, oui, pour pouvoir exporter des jouets. Et combler le manque. Ouais, bon. Hein? Ouais. T'as compris, Zinedine ? Oui. Ouais, ça paraît un peu lointain. Quoi ? Christopher, c'est bien, il a suivi. Mmh. Eh bien. Alors ensuite, il y avait quoi ? Puisqu'on parlait de l'Amérique, là. Il y avait le quoi ? Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Donc, un grand incendie, il peut même pas l'arrêter. Oui. Tu ? Qui c'est qui tape, là ? C'est Timothée. Ouais. Alors, les incendies. Tu ? Il y a eu beaucoup de morts. Oui. Non, beaucoup de blessés. Oui. Beaucoup de personnes disparues. Oui. Des maisons détruites. Oui. Et beaucoup de pompiers. Oui. Oui. C'est pas plus. Ils ne veulent même pas l'arrêter. Non. Ils ont obligé plusieurs jours. Hein. C'est toujours pas maîtrisé. Hein. Non. Le feu, il parce que c'est un grand incendie. Oui, le feu se dirige dans n'importe quel sens. Ben là, c'est en Californie. C'est une fois. Ce qu'il disait, c'est qu'il y avait 60 000 hectares déjà de détruits. C'est énorme. Hein. Ah, il y a beaucoup. Vous vous rendez compte, les forêts ? Ah ouais. Les forêts, les maisons, toutes les personnes qui ont perdu leur maison. Ou alors qui ont été déplacées parce que le feu arrive vers leur maison. C'est populé. 76 morts. Oh. Et d'aujourd'hui. Couvrir le casque et le Pour ton casque, Timothée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ces braves gens-là ? On est désolé pour vous. Courage ! Oui, beaucoup de courage. On a de la peine. Puis on peut saluer le travail des pompiers. Oui, c'est bien les pompiers. C'est la balle des pompiers. C'est bien, bon courage. Et on espère que ça va s'arrêter, ce feu. Ouais. Alors, à votre avis... Attends, Zinedine, pourquoi il y a des incendies comme ça ? Les orages. Les orages. C'est comme ils tombent dans l'herbe. Qu'il y a la foudre. Non. Non, à votre avis, comment ça a pu démarrer ? À cause de la chaleur ? Comment ? À cause de la chaleur sur les arbres ? Ah, j'ai chaud, oui. Il y a du plastique, avec le plastique. Oui. Avec le plastique. Mais si tu laisses trop le plastique, un truc en verre. Alors déjà, les arbres sont très secs, c'est sec. Les terres, tout ça, tout est sec. Il fait chaud. Ouais. Et en plus, du vent. Vent. Ah oui, le vent. Alors un petit peu de rien qui s'allume. Ça y est, c'est parti. Ça, le feu, il démarre du premier coup. C'est un coup très difficile d'arrêter. Encore deux cours, alors. Mais c'est moi, c'est Poupouille. Donc on peut que souhaiter que les pompiers... Bon courage les pompiers, on passe voir un peu. Bon courage, pompiers. Ça l'appuie. Comment ? Ça l'appuie, c'est éteint le feu. Ah bah il faudrait qu'il pleuve. Ouais. Ce serait bien. Vas-y. C'est pas prévu pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas de pluie de prévu. Vas-y. Au pire, tu lances un seau d'eau. Bah un seau d'eau, c'est bien que ça fait un peu juste, tu crois pas. Pourquoi ? Bah tu sais, les pompiers, ils mettent des citernes. Il y a même des canadaires et tout qui passent, mais ils n'arrivent pas. Hein. Bon, mais... c'est bon là pour les incendies ? Oui. Non, oui. Non. Moi, c'est Poupouille, moi. Zinedine, il est Il dit que c'est un pompier. Ouais. Quoi? Oh, pour l'instant, t'es pas pompier. Ah, si! Non. Allez, on va refaire une autre pause avec la chanson de... Oui. Christopher. Oui. Merci, Corinne. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gante? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gante? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, luego. Voilà, on pose les casques, ça on est bien ensemble. Alors il y avait aussi Christopher qui nous avait parlé de Monsieur Carlos Ghosn. s'il te plaît, est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Oui, s'il fait arrêter. Ah, alors. En Chine. Comment? En Chine. En Chine. Qu'est-ce qu'il a fait, ce brave monsieur? Et puis c'est qui déjà? Ce qui a fait les voitures là. En fait, pas de marque. Hein. Ok, pas les marques. Oui, mais sa fonction, c'est quoi? L'ingénierie. Il y a quoi? C'est quoi sa fonction? Il était président. Président. Pas de la République. Hein. Ouais, le président des voitures. Il était président d'un grand groupe de voitures. Voilà. Donc, il s'est fait arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de. Zinedine, on écoute. Il a beaucoup oublié de déclarer qu'il avait beaucoup d'argent. Il a beaucoup oublié. Tu penses qu'il avait perdu la mémoire? Non, il a fait exprès. Il a fait exprès? Sa fortune personnelle. Pour? Sa fortune personnelle. Il n'a pas tout déclaré. Voilà, il n'a pas déclaré tous ses revenus aux impôts. Aux impôts. Donc il est où là en ce moment? En prison en Chine. En prison, oui. Qui? Et puis alors, ce qu'il disait, c'est que les garde-vue en Chine, ça peut durer un mois. Dans Marion, c'est pas non, comme j'ai, ici. J'ai pas entendu, non. Ouais, c'est pas du tout comme ici. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc voilà, il n'est pas sorti pour l'instant. Hein. Pour... Donc alors, est-ce que vous pensez là, que ce grand groupe là va devoir chercher un nouveau président? Ah oui. Oui. Oui. Mais alors, comme il représentait une marque française et une marque chinoise, là, alors à votre avis, ça va être un chinois ou un français? Les Allez. Deux. Les deux. Les deux. Alors, moitié chinois, moitié français. Eh ben, je ne sais pas où il va aller chercher. Il va falloir prendre son temps, là. Hein, on verra bien. Peut-être qu'on aura les infos, puisqu'il recherche déjà. Oui. Voilà, ça c'était une autre info de Christopher. Et qu'est-ce que tu nous avais dit d'autre encore? C'est plus. Alors, tu nous as dit, il y a une femme, elle a tué son amant. Ah oui, après c'est suicidé. Après, c'est donner la mort. Et c'est donner la mort. Mais c'est bien, parce que tu as déjà dit le terme. Je vous avais demandé, qu'est-ce que ça veut dire, suicider? Se tuer. Se donner la mort. Se pendre. Oui, non, mais on n'a pas besoin de... C'est se donner la mort, oui. Mmh. Donc, c'est un geste désespéré. En général, les personnes qui se suicident, c'est parce qu'elles sont désespérées et qu'elles ne voient plus d'autres solutions que de se donner la mort. Juliana, est-ce que ça mérite de faire... Non. Non. Tu as autre chose à ajouter par rapport à ton info C'est pas bien. Pourquoi qui est pas bien? De tuer quelqu'un. Oh bah, c'est sûr que c'est pas bien, oui. Mais c'est interdit. Oui, pour la loi. Oui. Les gros, c'est quoi ça? Voilà. Et le gros, t'es fait? J'ai voir. T'as entendu ça où, Christopher, à la radio? À la radio. À la radio. Donc le matin, quand tu viens dans ton taxi, tu écoutes toutes les infos? Ouais, j'écoute la radio. Moi, je trouve que c'est bien que les chauffeurs, le matin, vous mettent les infos quand vous venez. Pour ceux qui font des trajets d'une demi-heure, une heure. Comme Christopher. Voilà. Que la Bresse. J'ai un peu la radio, ah oui, c'est les bien. Filles, moi. C'est tout. J'écoute que des CD dans mon taxi. Eh ben, c'est bien d'écouter la radio. Moi, on écoute... Il n'y a pas que la musique. Nous, on écoute Énergie. On ne fait pas de pub. Énergie. On ne donne pas de nom de station. Énergie, ça. On peut parler que de Radio Gémozo. Ouais. Hein, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'était Christopher. Et il nous reste une info. Donc, on va quand même pouvoir passer ta chanson, Steven. Oui. Okay. Est-ce qu'on peut la mettre? Envoie tes gargouilles en plus. Et après, on parlera de ton info. Oui. D'accord? Allez, sa chanson à Steven. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. Baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. And then she beat me at pool. And then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance my pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside to finish some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. My, my, my, my, my, my, my, my Galway girl. Bonne nuit, Juliana. Hein, tu as pas bien dormi cette nuit? Oh si. Pas assez peut-être. Ah, c'était trop bien, Sylvie, ta chanson. C'est de cool musique. Ah oui, moi aussi. Ouais, ah, moi aussi, j'aime la chanson. C'est grave. Zinedine, arrête-toi. Je voudrais te féliciter parce qu'aujourd'hui, tu étais avec nous et tu t'es exprimée. Tu as participé. Oui. C'est bien Timothée. Oui. Là, on a retrouvé Timothée. Ah oh, oui. Ah. Oui, parce que moi je pas parce que moi je me suis levé du bon pied. Ah, tu t'es levé du bon pied. Oui. La semaine dernière, non, c'était pas ça. Non. Ah. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te lever du bon pied? Bah, il faut cela pour me lever du bon pied. Ah, il faut que tu te lèves avec le pied gauche pour pied te lever du bon pied, toi. Pas le pied droit, pas parce que ça donne... Ça fait quoi, alors, avec le pied droit? Hein? Ça te fait quoi, Timothée, quand tu te lèves avec le pied droit? C'est le mauvais but. Vas-y, voir. Pas bien. T'es de mauvaise humeur. Oui. Tu te lèves avec le pied droit, t'es de mauvaise humeur. Et le gauche, alors là, tout va bien. Oui. Donc ce matin, on a eu de la chance. Oui. T'es levé avec le pied gauche. Et toi, Corinne? Le pied gauche, c'est de par bonheur. Et toi, Corinne? Qu'est-ce qui peut faire qu'un matin, on n'est pas bien réveillé, on est de mauvaise humeur? Que quand on tombe sur le mal pied. Le mal pied. Oui. Le mauvais pied, alors. Oui. Oui. Et parce que toi, c'est un peu comme Timothée. Si tu te lèves avec le mauvais pied, ça y est. Mais ce matin, j'ai tombé sur mes deux pieds. Ah, ce matin, c'était les deux pieds. Ok. Donc, tout va bien, Juliana? Ouais. Oui, Christophe. Ouais, t'es comme Juliana. Je suis levée des deux pieds. Ah, bah super. Deux pieds. Et toi, Camille? Des deux pieds. Comment on doit retirer ça, moi? Et toi, Steven? Est-ce que tu t'es levé du bon pied ce matin? Les deux, je me lève toujours du bon pied, les deux. Donc ce matin, tout allait bien? Ouais, tout le temps. À chaque fois, je suis toujours le bon. Et toi, Zinedine? Moi, deux pieds, moi. Les deux pieds. Et toi, Marion? J'en sais rien. Et toi, Corinne? Oui, mais alors, voilà. Je voulais vous écouter, mais en attendant. Est-ce que c'est ça le plus important, de poser le pied droit ou le pied gauche par terre? Oui. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui fait que vous allez être de mauvaise humeur? Si. Quand on a mal dormi. Voilà. J'ai couché tard. Des choses comme ça. Quand tu fais des cauchemars, quand tu tombes le matin. Et si comme tu es malade. Des cauchemars, que vous dormez mal. Oui. Corinne, quand tu es malade. Quand on est malade, oui. Quand tu tombes sur le vent. Et puis quoi encore? Quand on a mal au ventre. Oui, c'est être malade, ça. Tu sais, quand tu tombes le matin, c'est pas génial. Ou quand t'as mal à la gorge. Ou quand on a une contrariété aussi. Mais moi, c'est quoi, hein? Et le matin, comme ça, ça m'énerve. Quand tu sais pas ce que ça va t'arriver le matin. Moi, c'est moi, va des... Qu'est-ce que tu dis, Steven? Quand tu sais pas ce que tu vas t'arriver le matin. Mais moi, c'est quoi, des fois? C'est quoi? Oui, quand on sait pas ce qui va nous arriver le matin. Ouais. Ah bah oui, ça doit être dur, hein. Quand tu sais pas ce que tu vas faire la journée. Oui, quand t'es stressé aussi. Ah, quand t'es stressé. Quel est, Corinne? Oui, Zinedine. Vas-y, aïe, Didi. Aïe, oh, Didi! Et toi, t'as un super Zinedine, Super! Aïe, oh, Didi! Bon, allez, la dernière petite info, il y avait Steven qui voulait nous parler. Mon... de quelque chose que tu as vu, hein, aux commémorations. Oui. Tu veux en parler ou pas? Oui. Voilà. Vas-y, on t'écoute, hein, sérieusement. Une dame qui était torse nu, sans soutien-gorge. Oui, alors c'était quand ça? Ah, c'était, je sais pas quand. C'était aux commémorations. Oui. Novembre. Oui. Donc c'était où? Ça se passait où? À Paris. Oui, à Paris, oui. Et il y avait les policiers qui étaient là, l'amener. Oui. Qui l'ont arrêté. Oui. Mmh. Et ça t'avait choqué, ça? Oui. Oui. Qu'elle soit là ou alors qu'elle soit torse nue? Elle soit torse nue. Mmh. Et vous, les autres? Est-ce que ça vous a choqué ou vous avez trouvé ça rigolo ou alors, Paris. J'ai trouvé ça rigolo, moi. Pas rigolo. Ah. C'est pas rigolo. Moi non plus. Non, ça se fait pas, hein, de montrer que tout le monde... Que son corps, c'est son corps. Quand c'est son corps, on a pas touché le corps de l'autre. À votre avis, pourquoi elle a fait ça, la dame-là? Parce qu'il il en voulait au... En Macron. Non. Ah, je sais plus son nom. Moi, je touche souvent mon corps, pas parce que c'est mon corps. Heureusement. Oui. Il en voulait. Ah oui, monsieur, ah, je suis dans le carcassou. C'est pour provoquer. Provoquer. Ah, je sais plus. Provoquer, être vu. Ah. Ah oui, c'est le carcassou. Les carcassous. Bon, à vous entendre, je crois que tout le monde a vu ça. Oh. Ça, c'est quand même une image qui a marqué, mine de rien. Ah ouais. Oui. Surtout qu'on l'a beaucoup vu aussi. Oui. Ouais. Parce que quand je vous demandais quel chef d'État vous avez vu et tout, là, ça... Ben, alors, par contre, l'image-là... Mon tonton, regarde ton BFM. On fait pas de pub pour les chefs. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Tu peux parler dans le micro, Juliana? C'est pas vrai, Corinne. Qu'est-ce qui est pas vrai? J'ai pas regardé. T'as pas regardé? C'est... Moi, quand j'ai vu ça, j'ai changé la chaîne directe. Toi, t'as changé la chaîne? Oui. Oh, oh, oh. Quoi, toi non? Oh non! Non, tu t'es mis devant l'écran. Et t'étais mis devant l'écran, t'as fait... Et t'étais comme ça, t'étais... Vous ne gagnez pas le moins. Et Corinne? Je préfère regarder le ballon, vous avez raison, j'ai dit. Corinne? Moi, je préfère regarder... C'est comme ça, l'écran, c'est fait comme ça. Ah oui, toi, t'es... Là, Christopher, il était comme ça. Non, c'est pas fait, c'était comme ça. Allez, je sens que ça dérape, là. J'étais vu à la télé. Moi? Oui, je t'ai vu à la télé, Christopher. On va s'arrêter là parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On s'en passe juste. Oui, ça vous l'aurez dessus, moi. Donc on reviendra la semaine prochaine. Oui. Oui. Hein, tous ensemble. On va y retourner tout le temps à la radio. Et encore un conseil, écoutez les infos. Écoutez les infos. Maman courir. Vendredi, quand on se retrouve vendredi matin, je veux pas entendre gilet jaune terminé. On regardera, je dirai à maman qu'elle note tous les infos. Ah, c'est maman qui doit noter. Je vais pas noter. Je sais pas trop noter, toi. Moi, je sais noter. Noter. Maman, faut qu'elle c'est pas noté, moi. C'est un pauvre. Parce que c'est bien de faire des émissions comme ça, qui portent sur les infos. Et puis, comme ça, vendredi, j'aurai une feuille avec les infos. Tu sais, comme ça, ceux qui entendent la radio, ils ont des infos. Mais vous voyez, le matin, si vous branchiez sur Radio Guérozo, eh ben, vous entendriez Marion qui donne les infos. J'entends que tu donnes la météo parfois, non? C'est bien. Non, il y a pas 10 degrés aujourd'hui. Mais on fait tout. On fait pas de pub normalement. Et moi? Non, on fait pas de pub. Mais regarde, Radio Guémozo, moi je sais pas parce que dans ma radio, j'ai pas d'écran. Eh ben écoutez, on va saluer tout le monde et on va dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. La micaouette me fait la tête. Cacahuète. La petite Noé veut plus me parler. Cacahuète. La micao, ma micao. Cacahuète. caramel m'est infidèle. Caramel. Monsieur Hannibal me mine le moral. Caliban. Mamselle son long me traite de con. La picaouette me fait la tête. Cacahuète. Mamselle Gibi me traite d'abruti. Cacahibi. La picouchou me jette des cailloux. Mamselle Binet, c'est de Binet. Cabinet. Le petit Mambert me jette des pierres. Camembert. Mamselle Lamarde, moi en